Une fête à Rome par Alexandre Dumas. À peine les andabates furent-ils sortis, qu'un grand tumulte régna dans le cirque. Aux gladiateurs allaient succéder les bestiaires, et ceux-là étaient des chrétiens, de sorte que toute la haine était pour les hommes et toute la sympathie pour les animaux. Cependant, quelle que fût l'impatience de la foule, force lui fut d'attendre que les esclaves eussent passé les râteaux sur le sable du cirque. Mais cette opération fut hâtée par les cris furieux qui s'élevaient de tous les points de l'amphithéâtre. Enfin, les esclaves se retirèrent, l'arène resta un instant vide, et la multitude dans l'attente. Alors, une porte s'ouvrit, et tous les regards se tournèrent vers les nouvelles victimes qui allaient entrer. Ce fut d'abord une femme, vêtue d'une robe blanche et couverte d'un voile blanc. On la conduisit vers un des arbres, et on l'y attacha par le milieu du corps. Alors un des esclaves lui arracha son voile, et les spectateurs purent voir une figure d'une beauté parfaite, pâle mais résignée. Un long murmure se fit entendre. Malgré son titre de chrétienne, la jeune fille avait, dès la première vue, ému l'âme de cette foule si impressionnable et si changeante. Pendant que tous les yeux étaient fixés sur elle, une porte parallèle s'ouvrit, et un jeune homme entra. C'était l'habitude d'exposer ainsi aux bêtes un chrétien et une chrétienne, en donnant à l'homme tous les moyens de défense, afin que le désir de retarder non seulement sa mort, mais encore celle de sa compagne, que l'on choisissait toujours sœur, maîtresse ou mère, donnant au fils, à l'amant ou au frère un nouveau courage, prolongea un combat que les chrétiens refusaient presque toujours pour le martyr, quoiqu'ils sussent que s'ils triomphaient des trois premiers animaux qu'on lâchait contre eux, ils étaient sauvés. En effet, quoique cet homme, dont au premier aspect il était facile de reconnaître la vigueur et la souplesse, fut suivi de deux esclaves dont l'un portait une épée et deux javelots, et dont l'autre conduisait un coursier numide, il ne parut pas disposé à donner au peuple le spectacle de la lutte qui l'attendait. Il s'avança lentement dans le cirque, promena autour de lui un regard calme et assuré, puis, faisant signe de la main que le cheval et les armes étaient inutiles, il regarda le ciel, tomba à genoux et se mit à prier. Alors le peuple, trompé dans son attente, commença de menacer et de rugir. C'était un combat et non un martyr qu'il était venu voir, et les cris « à la croix » se firent entendre. Car, supplice pour supplice, il préférait au moins celui dont l'agonie était la plus longue. Alors un rayon de joie ineffable apparut dans les yeux du jeune homme, et il étendit les bras en signe d'action de grâce, heureux qu'il était de mourir de la même mort dont le Sauveur avait fait une apothéose. En ce moment, il entendit derrière lui un si profond soupir qu'il se retourna. « Silas, Silas !» murmura la jeune fille. « Acté ?» s'écria le jeune homme en se précipitant vers elle. « Silas, ayez pitié de moi, » dit Acté. « Lorsque je vous ai reconnu, un espoir était rentré dans mon cœur. Vous êtes brave et fort, Silas. Habitué à lutter avec les habitants des forêts et les hôtes du désert, peut-être, si vous aviez combattu, nous eussiez-vous sauvés tous deux. » « Et le martyr ? » interrompit Silas en montrant le ciel. « Et la douleur ? » dit Acté en laissant tomber sa tête sur sa poitrine. « Hélas, je ne suis pas comme toi né dans une ville sainte. Je n'ai point entendu la parole de vie de la bouche de celui pour qui nous allons mourir. Je suis une jeune fille de Corinthe, élevée dans la religion de mes ancêtres. Ma foi et ma croyance sont nouvelles, et le mot de martyr ne m'est connu que depuis hier. Peut-être aurai-je encore du courage pour moi-même, mais Silas, s'il me faut vous voir mourir devant moi de cette mort lente et cruelle, peut-être n'en aurai-je pas pour vous. » « C'est bien, je combattrai, » répondit Silas, « car je suis toujours sûr de retrouver plus tard la joie que vous m'enlevez aujourd'hui. » Alors, faisant un signe de commandement aux esclaves, « Mon cheval, mon épée, mes javelots !» dit-il à haute voix et avec un geste d'empereur. Et la multitude se mit à battre des mains, car elle comprit à cette voix et à ce geste qu'elle allait voir une de ces luttes herculéennes comme il en fallait pour ranimer ses sensations blasées par les combats ordinaires. Silas s'approcha tout d'abord du cheval. C'était comme lui un fils de l'Arabie. Ses deux compatriotes se reconnurent. L'homme dit au cheval quelques paroles dans une langue étrangère, et comme si le noble animal les eût comprises, il répondit en hennissant. Alors Silas arracha du dos et de la bouche de son compagnon la selle et la bride que les Romains lui avaient imposées en signe d'esclavage, et l'enfant du désert bondit joyeux autour de celui qui venait de lui rendre la liberté. Pendant ce temps, Silas se débarrassait à son tour de ce que son costume avait de gênant, et roulant son manteau rouge autour de son bras gauche, il resta avec sa tunique et son turban. Alors il ceignit son épée, prit ses javelots, appela son cheval qui obéit, docile comme une gazelle, et s'élançant sur son dos, il fit en se courbant sur le cou, et sans autre secours pour le diriger que celui de ses genoux et de sa voix, trois fois le tour de l'arbre où était enchaîné Actée, pareil à Persée, prêt à défendre Andromède. L'orgueil de l'arabe venait de reprendre le dessus sur l'humilité du chrétien. En ce moment, une porte à deux battants s'ouvrit au-dessous du podium, et un taureau de Cordoue, excité par des esclaves, entra en mugissant dans le cirque. Mais à peine y eut-il fait 10 pas, qu'épouvanté du grand jour, de la vue des spectateurs et des cris de la multitude, il plia sur ses jarrets de devant, abaissa sa nuque jusque sur la terre, et dirigeant sur Silas ses yeux stupides et féroces, il commença à se lancer avec ses pieds de devant, du sable sous le ventre, à écorcher le sol avec ses cornes et à souffler la fumée par ses naseaux. En ce moment, un des maîtres lui jeta un mannequin bourré de paille et ressemblant à un homme. Le taureau s'élança aussitôt dessus, le foula aux pieds. Mais au moment où il était le plus acharné contre lui, un javelot partit en sifflant de la main de Silas et alla s'enfoncer dans son épaule. Le taureau poussa un rugissement de douleur. Puis, abandonnant aussitôt l'ennemi fictif pour l'adversaire réel, il s'avança vers le Syrien, rapide, la tête basse, et traînant sur le sable un sillon de sang. Mais celui-ci le laissa tranquillement s'approcher, puis, lorsqu'il ne fut plus qu'à quelques pas de lui, il fit faire, à l'aide de la voix et des genoux, un bond de côté à sa légère monture, et tandis que le taureau passait, emporté par sa course, le second javelot alla lui cacher dans les flancs ses 6 pouces de fer. L'animal s'arrêta, frémissant, sur ses 4 pieds, comme s'il allait tomber. Puis, se retournant presque aussitôt, il se rua sur le cheval et le cavalier. Mais le cheval et le cavalier commencèrent à fuir devant lui, comme emportés par un tourbillon. Ils firent ainsi 3 fois le tour de l'amphithéâtre, le taureau s'affaiblissant à chaque fois et perdant du terrain sur le cheval et le cavalier. Enfin, au 3e tour, il tomba sur ses genoux. Mais presque aussitôt, se relevant, il poussa un gémissement terrible, et comme s'il eût perdu l'espoir d'atteindre Silas, il regarda circulairement autour de lui pour voir s'il ne trouvait pas quelque autre victime ou épuiser sa colère. C'est alors qu'il aperçut Actée. Il sembla douter un instant que ce fût un être animé, tant son immobilité et sa pâleur lui donnaient l'aspect d'une statue. Mais bientôt, tendant le cou et les naseaux, il aspira l'air qui venait de son côté. Aussitôt rassemblant toutes ses forces, il piqua droit sur elle. La jeune fille le vit venir et poussa un cri de terreur. Mais Silas veillait sur elle. Ce fut lui à son tour qui s'élança vers le taureau, et le taureau sembla le fuir. Mais en quelques élans de son fidèle numide, il l'eut bientôt rejoint. Alors il sauta du dos de son cheval sur celui du taureau, et tandis que du bras gauche il le saisissait par une corne et lui tordait le cou, de l'autre il lui plongeait son épée dans la gorge jusqu'à la poignée. Le taureau égorgé tomba expirant à une demi-lance d'Actée. Mais Actée avait fermé les yeux, attendant la mort, et les applaudissements seuls du cirque lui apprirent la première victoire de Silas. 3 esclaves entrèrent alors dans le cirque. 2 conduisaient chacun un cheval, qu'ils attelèrent au taureau afin de le traîner hors de l'amphithéâtre. Le 3e tenait une coupe et une amphore. Il emplit la coupe et la présenta au jeune Syrien. Celui-ci trempa ses lèvres à peine, et demanda d'autres armes. On lui apporta un arc, des flèches et un épieu, puis tout le monde se hâta de sortir, car au-dessous du trône, que l'empereur avait laissé vide, une grille se soulevait, et un lion de l'Atlas, sortant de sa loge, entrait majestueusement dans le cirque. C'était bien le roi de la création, car, au rugissement dont il salua le jour, tous les spectateurs frémirent, et le coursier lui-même, se défiant pour la première fois de la légèreté de ses pieds, répondit par un hennissement de terreur. Silas seul, habitué à cette voix puissante, pour l'avoir plus d'une fois entendu retentir dans les déserts qui s'étendent de la Casphalte aux sources de Moïse, se prépara à la défense ou à l'attaque en s'abritant derrière l'arbre le plus voisin de celui où était attaché Actée et en apprêtant sur son arc la meilleure et la plus acérée de ses flèches. Pendant ce temps-là, son noble et puissant ennemi s'avançait avec lenteur et confiance, ne sachant pas ce qu'on attendait de lui, ridant les plis de sa large face et balayant le sable de sa queue. Alors les maîtres lui lancèrent, pour l'exciter, des traits émoussés avec des banderoles de différentes couleurs. Mais lui, impassible et grave, continuait de s'avancer sans s'inquiéter de ses agaceries, lorsque tout à coup, au milieu des baguettes inoffensives, une flèche acérée sifflante passa comme un éclair et vint s'enfoncer dans une de ses épaules. Alors, il s'arrêta tout à coup avec plus d'étonnement que de douleur, et comme ne pouvant comprendre qu'un être humain fût assez hardi pour l'attaquer. Il doutait encore de sa blessure. Mais bientôt ses yeux devinrent sanglants, sa gueule s'ouvrit, un rugissement grave et prolongé, pareil au bruissement du tonnerre, s'échappa, comme d'une caverne, de la profondeur de sa poitrine. Il saisit la flèche fixée dans la plaie et la brisa entre ses dents. Puis jetant autour de lui un regard qui, malgré la grille qui les protégeait, fit reculer les spectateurs eux-mêmes, il chercha un objet où faire tomber sa royale colère. En ce moment, il aperçut le coursier. Frémissant comme s'il sortait de l'eau glacée, quoiqu'il fût couvert de sueur et d'écume, et cessant de rugir, pour pousser un cri court, aigu et réitéré, il fit un bond qu'il rapprocha de 20 pas de la première victime qu'il avait choisie. Alors commença une seconde course plus merveilleuse encore que la première. Car là, il n'y avait même plus la science de l'homme pour gâter l'instinct des animaux. La force et la vitesse se trouvèrent aux prises dans toute leur sauvage énergie. Et les yeux de 200 000 spectateurs se détournèrent un instant des deux chrétiens pour suivre autour de l'amphithéâtre cette chasse fantastique, d'autant plus agréable à la foule qu'elle était moins attendue. Un second élan avait rapproché le lion du cheval, qui, acculé au fond du cirque, n'osant fuir ni à droite ni à gauche, s'élança par-dessus la tête de son ennemi, qui se mit à le poursuivre par bonds inégaux, hérissant sa crinière et poussant de temps en temps des rauquements aigus auxquels le fugitif répondait par des hennissements d'épouvante. Bientôt, le malheureux coursier, fasciné comme le sont, dit-on, les daims et les gazelles à la vue du serpent, il tomba, se débattant, et se roula sur le sable dans l'agonie de la terreur. En ce moment, une seconde flèche partit de l'arc de Silas et alla s'enfoncer profondément entre les côtes du lion. Le lion se retourna. Cet instant suffit au Syrien pour envoyer à son ennemi un troisième messager de douleur. Le lion s'élança sur l'homme. L'homme le reçut sur son épieu. Puis l'homme et le lion roulèrent ensemble. On vit voler des lambeaux de chair, et les spectateurs les plus proches se sentirent mouillés d'une pluie de sang. Acté jeta un cri d'adieu à son frère. Elle n'avait plus de défenseur, mais aussi elle n'avait plus d'ennemis. Le lion n'avait survécu à l'homme que le temps nécessaire à sa vengeance. L'agonie du bourreau avait commencé comme celle de la victime finissait. Quant au cheval, il était mort sans que le lion l'eût touché. Alors tous les yeux se reportèrent sur Acté, que la mort de Silas laissait sans défense. Quelques spectateurs se levaient pour demander sa grâce, lorsque les cris « Assis, assis !» se firent entendre des gradins inférieurs. Une grille s'est élevée et une tigresse se glissait dans l'arène. À peine sortie de sa loge, elle se coucha à terre, regardant autour d'elle avec férocité, mais sans inquiétude et sans étonnement. Puis elle aspira l'air et se mit à ramper comme un serpent vers l'endroit où le cheval s'était abattu. Arrivée là, elle se dressa comme il l'avait fait contre la grille, flairant et mordant les barreaux qu'il avait touchés. Puis elle rugit doucement, interrogeant les fers et le sable et l'air sur la proie absente. Alors, des émanations de sang tiède encore et de chair palpitante parvinrent jusqu'à elle, car les esclaves, cette fois, n'avaient pas pris la peine de retourner le sable. Elle marcha droit à l'arbre contre lequel s'était livré le combat de Silas et du lion, ne se détournant à droite et à gauche que pour ramasser les lambeaux de chair qu'avait fait voler autour de lui le noble animal qui l'avait précédé dans le cirque. Enfin, elle arriva à une flaque de sang que le sable n'avait pas encore absorbée. Et elle se mit à boire comme un chien altéré, rugissant et s'animant à mesure qu'elle buvait. Puis, lorsqu'elle eut fini, elle regarda de nouveau autour d'elle avec des yeux étincelants, et ce fut alors seulement qu'elle aperçut Acté qui, attaché à l'arbre et les yeux fermés, attendait la mort sans oser la voir venir. Alors la tigresse se coucha plat ventre, rampant d'une manière oblique vers sa victime, mais sans la perdre de vue. Puis, arrivée à 10 pas d'elle, elle se releva, aspira, le cou tendu et les naseaux ouverts, l'air qui venait de son côté. Alors, d'un seul bond franchissant l'espace qui la séparait encore de la jeune chrétienne, elle retomba à ses pieds et lorsque l'amphithéâtre tout entier, s'attendant à la voir mettre en pièces, jetait un cri de terreur dans lequel éclatait tout l'intérêt qu'avait inspiré la jeune fille à ses spectateurs, qui étaient venus pour battre des mains à sa mort, la tigresse se coucha, douce et câline comme une gazelle, poussant de petits cris de joie et léchant les pieds de son ancienne maîtresse. À ces caresses inattendues, Actée, surprise, rouvrit les yeux et reconnut Phoebé, la favorite de Néron. Aussitôt les cris de « grâce, grâce » retentirent de tous côtés, car la multitude avait pris la reconnaissance de la tigresse et de la jeune fille pour un prodige. D'ailleurs, Actée avait subi les trois épreuves voulues, et puisqu'elle était sauve, elle était libre. Alors, l'esprit changeant des spectateurs passa, par une de ces transitions si naturelles à la foule, de l'extrême cruauté à l'extrême clémence. Les jeunes chevaliers jetèrent leurs chaînes d'or, les femmes leurs couronnes de fleurs. Tous se levèrent sur les gradins, appelant les esclaves pour qu'ils vinssent détacher la victime. Une foule immense l'attendait. À son aspect, elle éclata en applaudissements et voulut l'emporter en triomphe. Mais Actée, suppliante, joignit les mains, et le peuple s'ouvrit devant elle, lui laissant le passage libre. Alors, elle gagna le temple de Diane, s'assit derrière une colonne de la cella. Elle y resta pleurante et désespérée, car elle regrettait maintenant de n'être pas morte en se voyant seule au monde. Lorsque la nuit fut venue, elle se rappela qu'il lui restait une famille, et elle reprit seule le chemin des catacombes. Ainsi s'achève une fête à Rome par Alexandre Dumas.